problemu sala kikuru karabi na ngai kiza la kikaka sina nini sina ngali lui kumaya kulela uyu ya kala iku mesika na lingite ulingyo na lingite na lingite wote kilo na lingite. Dans la vie, il y a ceux qui font, ceux qui regardent faire, et puis à toi, mon Pao Masterpiece. Mon vieux coco, c'est le bruit Madeira qui s'aime le bas. Et pour ton bassin, comme on y va, ça n'est jamais.